au Festival Oshiaga, le Club Meg au Saint, le Divan Orange, le Laïka et le Meg Boat pour un party croisière le dimanche 4 août à compter de 23h sur le bateau Le Cavalier Maxime. Pour plus d'informations, visitez le www.megmontréal.com. Family Affairs Productions, en collaboration avec Synergie Contact, Chaussures Eureka et Choc FM, présente Lueur dans l'œil, défilé de mode au profit d'Opération Enfant Soleil. L'événement se tiendra vendredi le 15 août 2008 à 19h au Col Annoté, situé au 5240 Avenue du Parc. Prix d'entrée 20$ à l'avance, 25$ à la porte. 3$ par billet ainsi que tous les profits des tirages seront remis directement à Opération Enfant Soleil. Infos et réservations 514-616-8828. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonsoir. En manchette ce soir, il n'y a pas grand-chose d'innouvelle. Alors, on va parler de scène noire, on va parler d'égout et je vais faire un exposé sur le squelette. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% me rejette à la radio. Oh oh oh oh des hits continuent. Toujours le meilleur dans ton oreille. D'ailleurs, on met la petite trame sonore de background ici. C'est Lufia. Non, en fait, c'est Ease. J'ai amené de quoi de toute la trame sonore. Plusieurs jeux sur différentes consoles. La série des Ease, YS. C'est un petit peu comme Zelda, mais moins bon. Ok, ouais. Plus ou moins les tunes. Ben, ça va être le background d'aujourd'hui à 70%, qui va être avec en background le douteux de la semaine. C'est Flick ou Ninja Champion, là, dépendamment de la langue dans laquelle ça te tente de l'écouter. Et puis, ben, on a Pascal aussi en studio. Bonjour. Et voilà Pascal qui s'est permis de nous saluer. Ben oui. C'est déjà un bon début, il tape la trille. Il tape la trille, certain. On va commencer. Comment qu'il dit, là? Faut bien commencer quelque part. Ben voilà, il dit, hein, t'es peut-être mieux de rapprocher ton micro de ta bouche, comme ça on va pouvoir mieux calibrer. Et voilà, tu vois, il est souriant tout plein. On va parler des vraies valeurs avec lui. Sinon, ben, pour commencer l'émission, ah ouais, c'est vrai, j'ai amené aussi... C'est assez beau, c'est assez exhaustif. C'est tous les titres de films qu'on a dans l'encyclopédie avec le mot ninja dedans. Ah. Je me suis dit, on va booker ça, ça va être quelque chose d'assez... Ça va prendre une bonne demi-heure, ça? Je sais pas, parce qu'on va passer au travail tantôt. Sinon, ben, on va écouter ici une toune d'un band qui s'appelle Bill Baxter. C'est un band français qui est né en 1983. C'est composé de Joe Cool, de Beau Geste, ainsi que de Louis... C'était quoi l'autre? Louis... je l'avais écrit. Un ordinaire. Ouais, ouais. Ah, tiens, je l'ai là, Louis Primo. Donc oui, c'est ça. Ces trois gars, ils ont décidé d'appeler leur band Bill Baxter. Parce que c'était cool comme nom. Puis moi, je suis totalement d'accord avec eux autres. Ce qui fait qu'on va écouter ici Bill Baxter. C'est 1983. La toune, elle s'appelle Embrasse-moi, idiot, c'est antiviril. Fait que préparez-vous. Beau geste. Ouais, c'est ça. Joe Cool. Beau geste. À 70%, Bill Baxter, Embrasse-moi, idiot. À tantôt. Mais comment dirait cette souris? passe. Quand je me regarde dans la glace, j'ai peur qu'elle me laisse sur place. Celui qui pourra me dire le secret pour la retenir. Quelque chose avant. Ah, ben vas-y. OK. Hey, je voulais juste te dire que, tu sais, l'autre fois, on parlait des noms cool dans l'auto à Eric, je pense, quelque chose genre. Puis tu disais que toi, c'était Bill Baxter, le c'est nom le que top. Tu trouverais. Puis moi, je t'avais dit ce que je trouvais que t'avais raison, puis que je pensais que c'était même un peu plus cool que Joe Cool. Mm-hmm. Puis tu vois, les deux, ils sont dans le même band. Hein? C'est fabuleusement tacamagorique. C'est mieux que Max Power. Max Power, on l'a vu assez, je pense. Ouais. Puis en plus, à toutes les fois que je dis c'est le nom le plus cool, c'est comme celui que le monde, ils disent tout en contrepartie. T'as pas comme de John Matrix. Ça, c'est hot, me sens John Matrix. Tu sais, mais non, c'est tout le temps à lui. Fait que je sais pas. Là, moi, je suis un petit peu blasé. Bennett, ouais, c'est cool aussi. Hein. On est en même source. Hey, ben sinon, ce soir au Brouhaha, donc, il y a tout le temps des appetizers avant d'écouter le douteux de la semaine. Et puis, ben, ce soir, je me suis permis d'amener quelque chose un petit peu particulier. J'ai découpé, parce que je vais le dire encore pas mal dans d'émissions dans le futur, un petit peu tout le temps, mais j'ai appris comment marchait le programme pour découper des affaires. Fait que là, j'ai pris Jesus Camp, qui est un film qui est totalement particulier, puis j'ai découpé les bouts qui sont les plus douteux. Donc ici en audio, parce que c'est souvent audio ce qui fait peur, Jesus Camp, qui est un documentaire qui nous montre un petit peu comment la jeunesse est éduquée là-bas, pour chez les protestants, surtout les évangélistes américains qui font à peu près 40% de la population, si je me souviens bien. Mais on va écouter ici Agart, qui est comme le conseiller du président chez les républicains. C'est quelqu'un qui parle avec le président américain chaque jour depuis 3 investitures. Et puis, ben, c'est ça, il va nous expliquer un petit peu sa vision de la politique démocratique américaine. C'est fabuleux. We've decided the Bible is the word of God. We don't have to have a general assembly about what we believe. It's written in the Bible. Simplement. All right. So we don't have to debate about what we should think about homosexual activity. It's written in the Bible. Simplement. I think I know what you did last night. If you send me $1,000, I won't tell your wife. Ooh, cocasse. If you use any of this, I'll sue you. And I have a 10-year rule about dating. For those of you that married somebody 30 years older than you, I hope he dies so you can get his money. But... Il y a taquin. Ouais. The point I want to get across is you need to make sure in your home you have a few core beliefs. And we as Americans, those of you that are citizens of the United States, you need to make sure our nation has a core belief. And as we settle those philosophies correctly, then our freedom is guaranteed. Amen? Amen. Oui, certain. Amen. Sans problème. Oui, c'est assez épeurant. Cette... Ouais, ouais, là, il va dire quelque chose. Kids are everything. They love the evangelical message. God loves them. The Bible's the word of God. They are gifts from God. So while the public school's telling them they're animals, they're the product of natural selection, we tell them, God loves you. God's created you. You have a purpose in life. I mean, the kids are just loving it. And so so it's an awful lot of people, and we're growing. Churches like this, there's a new church like this every 2 days in America. It's got enough growth to essentially sway every election. If the evangelicals vote, they determine the election. Et voilà. It's a fabulous lie. Ah ben oui, c'est sûr, ça va bien partout. La démocratie est en santé. Ouais. On est passé au travers, c'est un beau discours. Ouais, c'est ça. Donc, on va écouter ici au brouhaha ce soir. Là, j'ai découpé à peu près une quinzaine de minutes. Là. On va apprendre à aimer beaucoup le message évangéliste qui rejoint les gens ici. Sinon, ouais. On va-tu avoir des dessins animés? Tu veux dire... En appetizer ce soir, bro. Tu veux des dessins animés? Non, je veux savoir s'il y en a. On pourrait-tu avoir des également? Affaires qui parlent du Père Noël aussi à place des affaires qui parlent de Dieu? Ben, c'est parce que là, on est comme l'été. Fait que l'été, c'est comme. Je sais pas. Le bon, trêve de plaisanterie. Parle-nous de ton prochain Godfrey O. Joseph Lai. Ça fait olé comme ben les produits oui. de beauté. Ben oui, on va saucer là-dedans. Oui, j'avoue. Hein, on va redonner une direction. Après le Ted Haggard qui vient de nous donner un coup de poing dans les côtes. On va ici parler un petit peu de Ninja Champion ou Flic ou Ninja. Ah. C'est pas facile. Tu punch in le matin. Tu te dis, est-ce que je punch in Flic? Est-ce que je mets ma casquette de flic sur mon suit de ninja? Est-ce que... Oh boy, une espèce de petit rot ici de dégoût, ça doit être à cause que je commence à lire ça. Donc, mon texte. Ninja champion, flic ou ninja. Si les exterminateurs de l'an 3000 la semaine passée représentaient très bien la famille douteuse des post-apocalyptiques science-fiction, celui de cette semaine, flic ou ninja, est un exemple parfait d'une autre grande famille de douteux, deux points, les films d'arts martiaux. Encore mieux, flic ou ninja est une réalisation de Godfrey O., produite par Joseph Lai. Encore eux. Olé. Ouais, c'est ça fait Olay. Olay ou Olé, là, si tu veux faire un jeu de mots avec I Love. Parce qu'ils sont très vileux, ça, c'est sûr. Donc, je vous ai déjà parlé de Richard Harrison, acteur américain exilé en Italie puis naturalisé hongkongais. Cet ex-mangeur de salade bodybuilder des années 50 a, début 80, décidé de transférer sa carrière cinématographique en Asie du Sud-Est. Quel bon move. C'est ça, c'est que là, de 1983 à 87, il a tourné dans 8 films pour Godfrey O et Joseph Lai. Mais pourtant, il apparaît au générique de plus de 20 de leurs longs métrages. La beauté du truc, donc, c'est que O Lai réutilisait des séquences des films passés dans leur nouvelle production. Ainsi, la séquence de la 10e minute durant laquelle Donald, Bruce Baron, parle à Gordon, Richard Harrison, au téléphone fut reconnue dans au moins 2 autres films avec le mot « ninja » dans le titre. On a... Ouais, c'est facile. Là. On a qu'à doubler en anglais le dialogue anglais de Harrison pour faire revivre le ninja moustachu préféré de tous dans un autre film, permettant par le fait même de pas payer l'acteur international qui apparaît en premier au générique et de perdurer la légende du numéro 1 des ninjas fluo moustachu. Bien sûr, Harrison a émis une opinion négative quant au traitement qu'il a reçu de la part des totems que sont Olay. Opinion justifiée qui fait aujourd'hui jurisprudence dans la distribution des films internationaux. Heureusement que la loi n'a été modifiée en fait qu'après la traduction et distribution de la filiale Ninja immense qu'est celle de Olay. On va tout de suite sauter dans les premiers extraits parce qu'on n'en peut plus d'attendre. Hein. On a faim de flic ou ninja. Ce qui arrive au début, c'est que là, j'essaierai pas de vous resituer dans le scénario quand on met les séquences parce que c'est un film de Godfrey O, Joseph Lai, donc ça n'a aucun sens. C'est égal, dur à suivre. C'est comme, mettons, de la pâte à modeler bleue avec de la pâte à modeler rouge, puis là, il y avait pas une assez grosse boule de pâte à modeler pour faire la grosse boule de pâte à modeler qu'ils voulaient, fait qu'ils ont juste mélangé ça ensemble. ça fait pas de la pâte à modeler mauve, là, ça fait des amalgames de rouge puis de bleu. Fait que tu sais, tu regardes ça, c'est une boule tout croche. Donc on va ici commencer, c'est que là il y a une espèce de champion international de box qui y a son frère qui fait du trèfle de ma gueule, on peut expliquer. Il y a simplement pour prouver que la marchandise a été livrée. Tout à fait d'accord. Quelle femme d'affaires. J'apprécie beaucoup vos talents, madame. C'est pourquoi je vais vous faire une offre. Accepteriez-vous de travailler pour moi? Je serai vous récompensé comme il se doit. Vous me flattez. Je serai absolument ravi de travailler pour le plus grand consortium d'Asie. Vous êtes charmante. Cher ami, bienvenue dans notre compagnie. Je ferai en sorte que vous ne le regrettiez pas. Et d'ailleurs, voyez-vous, dès ce soir, je vais organiser une petite fête pour vous présenter à mes amis. Je convierai également mon frère, car il faut rendre hommage à son triomphe. Oh. De quelle sorte de triomphe s'agit-il? Il est champion de boxe nationale. Et c'est le plus voilà. mignon de la famille. Je serais étonné qu'il vous laisse indifférente. Ah. Donc, en gros, la prémisse, c'est que la fille qu'on a entendu parler est en train d'essayer d'infiltrer l'organisation du gars qu'on a entendu parler parce que l'autre, son frère, l'a violé parce qu'il a été manipulé par un autre gars qui est en fait un ninja. Ça va être très, très, très moins clair dans le film quand on va l'écouter. Mais là, on va à la 6e minute 35 aller se saucer dans la fête. La fille qui va rencontrer son ex-violeur, le frère qui est champion de boxe nationale. C'est sûr qu'elle va pas le reconnaître. Ben, elle est là pour se venger. Alors, donc, lui, il va pas la reconnaître. Ça, oui, ça. Vivez-vous d'un slow langoureux? Avec plaisir. Je ne suis pas souvent invité par une pareille beauté. Je n'ai pas l'habitude d'inviter un homme à danser, mais puisque nous venons de nous rencontrer... Vous avez raison. En piste, la salle est à nous. J'ignorais que vous dansiez aussi bien. Oh, merci. Lorsque vous me tenez si près de vous, je sens toutes les vibrations de votre corps. J'espère que c'est agréable. Sensation plus qu'agréable, mais cette force et ce muscle impressionnent une pauvre créature fragile comme moi. Dans l'intimité, je suis l'homme le plus tendre qui existe. C'est même pas vrai. Salut Nana, Richard Lapoy. Ah voilà. Washington, en partance pour le Caire. Aucune information sur les trois photos que je t'ai envoyées? Non, rien. D'après ce que j'ai trouvé, ces trois gars seraient les auteurs du viol de cette petite rose. Je vais me permettre de peser pause, là, parce que là, moi, j'ai pas skippé rien. On était dans un party, il dansait dans un slow, il y avait le champion de boxe national avec la fille qui voulait se venger de s'être fait violer. Après ça, on est dans le bureau de Gordon d'Interpol qui parle avec, justement, Richard Harrison, alias Donald. C'est malade, les noms dans ce film-là, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de coche. On va retourner se plonger dans la conversation des deux moustachus ninja fluo. Alors, à quoi vont me servir les photos que tu m'as données? Il s'agit de Maurice et de ses trois coyotes. Maurice. Parce que tu m'avais pourtant dit que tu avais du nouveau pour moi. Alors, les trois violeurs font partie d'une opération de contrebande de bijoux et ils essaient de posséder Maurice. What? Maurice, man. Mais où est-ce que tu tiens ça? Maurice s'est retiré de l'affaire et c'est Robert qui a repris la succession. Si ce que tu m'apprends est vrai, alors Robert n'est qu'un homme de paille. Et attends un peu, est-ce que tu sous-entends par là qu'il y aurait un lien entre le viol et le trafic de diamants? Oui, et il va falloir que tu surveilles Maurice. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il est en train de préparer. Entendu. Mais qu'advient-il de Georges et de Rose? Je n'ai pas sans ignorer qu'on a perdu la trace de Rose depuis que Georges s'est marié. Or, telle que je la connais, elle ne lâchera pas le morceau. Quoi? Je sais que Robert l'a engagée. Ben oui. Elle a accepté parce qu'elle croit retrouver ainsi plus facilement ses violeurs. Elle veut se venger et tu peux l'aider si tu le désires. Enfin, tant que tu ne te compromets pas. Enregistré. Je reste hors du coup tant que sa vie n'est pas menacée. Oui, je te le conseille. À propos, elle œil sur Larry, le beau-père de Georges. Il est possible qu'il joue lui aussi un rôle. Ils viennent de nous rajouter un Larry. Je vois, je vais m'en occuper. Ouais, je te remercie pour ces infos. Et tâche de faire bon voyage. Et embrasse les Égyptiennes pour moi. Et donc... Fait que là, ici, on nous a donné, dans le fond... toute l'information nécessaire à comprendre le film. On aurait cru une histoire un peu racontée par une fille où c'est qu'elle te donne plein de noms de personnes que tu connais pas. Ouais, à la fin, il n'y a pas de punch. Puis qu'après pour à qui tu connais le monde. Ouais, c'est ça. C'est parce que Maurice puis Georges puis Rose puis Donald Jerry le père de C'est Larry, beau-père de Georges. Le beau-père de Georges. Ah lui, man, moi je suis plus capable. Ses trois coyotes puis c'est les trois coyotes de Maurice et les trois petits cochons, les 12 doigts de la main. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour essayer de se donner un petit peu de respect, on va aller écouter ici une version remix du thème des Schtroumpfs. Je sais pas où j'ai trouvé ça. Ah non. Ah, ça fait mal. Checkez bien ça. 1:56, on revient à 70%. Alors, on revient à 70%. On va poser des questions à Pascal. Vous allez voir, il y a du vécu. Everybody, ça passe comme ça. Big dédicace à tous les dealers de sens, pareil. Ouais, c'est ça, t'as vu, tu check ça, ça se trouve. Ah, tu vois, ouais, c'est ça, tu check. Ouais, c'est ça, t'as vu, tu check ça, ça se trouve. Ah, tu vois, ouais, c'est ça, tu check. Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans ce pays. Étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux sommes les petits schtroumpfs. Les petits schtroumpfs, vous avez dit. Petit schtroumpf, attention, Gargamel dans cette maison. C'est pas vrai. Wesh gros, avec Azrael, son chat, il va te pécho comme ça. Si Azrael il pécho, il va te péter la boîte à Benko. Petit schtroumpf, attention, fuyez cette maison. Gargamel et son chat combinent un plan qui vous perdra. Hey, spécial dédicace à tous les bisounours, je vous en... Spécial casse des vies. Wagon Miggy Max, c'est le freestyle des schtroumpfs. Wagon Miggy Max, c'est le freestyle des schtroumpfs. Wagon Miggy Max, c'est le freestyle des schtroumpfs. Wagon Miggy Max, c'est le freestyle. C'est un son de ouf, c'est un son des schtroumpfs. Schtroumpf à lunettes, vas-y donne tes baskets. C'est un son de ouf, c'est un son des schtroumpfs. Dans ta maison en champignons, tu balances que du bon son. C'est un son de ouf, c'est un son des schtroumpfs. Hey, schtroumpf acrobate, t'as les schtroumpfs qui grattent. C'est un son de ouf, c'est un son des schtroumpfs. Dans ta maison en champignons, tu passes ton temps à gratter le pion. La la la schtroumpf la la, viens schtroumpfer en cœur. T'as vu? La la la schtroumpf la la, ça te portera bonheur, wesh gros. Écoute ce message, il est pour toi. Enculé ta race, nique ta mère, elle rentre chez toi. Eh c'est bizarre, on est habillés de la même couleur que les keufs. C'est normal, on est des schtroumpfs. C'est le rap, du schtroumpf. Ouais, c'est ça la galère, la misère. T'as vu, tu vois, ça se passe comme ça. C'est le rap, du schtroumpf. Ouais. Et Gargamel mange ta gamelle, ça se pareil, chaque fois c'est pareil. C'est le rap, du schtroumpf. Ouais. C'est le freestyle racaille, tu vois, comme ça, c'est ça. La la la schtroumpf la la, bien schtroumpfé en cœur. C'est ça. La la la schtroumpf la la, ça te portera bonheur. Touche-toi à toi. La la la schtroumpf la la, ça te portera bonheur, wesh gros. Oh là là DJ, pourquoi t'as touché au bouton? On était trop chaud là. Elle est vraiment trop bonne cette sale pareille. Elle m'a défoncé le bonnet. Well don't baby him, cocksucker. Look, how do we know you didn't do it, huh? Well, guys, I'll find out. It's way fuck, I've been saying it all along. I don't think fuck, I've been saying it all along. Fuck, fuck, fuck, fuck. Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... c'est un de mes préférés. Donc, on parle de sport à 70%. Ouais. Bruno, comme toujours, alors aujourd'hui, en patinage artistique, la patineuse Karuska Krankinova. Ah oui, elle. Je ne sais pas comment finir mon affaire. Ok, ça alors, commence bien. Je vais y aller avec mes nouvelles poches là, parce que j'ai vraiment pas des super bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein, semaine, allez... C'est triste, c'est pas la bonne nouvelle TVA. Non, c'est la mauvaise nouvelle. JM. Choc. Ben, Bruno Corbin. Bruno Corbin. Bon, ouais. Ok. Alors, un groupe de patriotes de San Francisco a proposé de renommer le système d'égout de la ville en l'honneur du président sortant George W. Bush. Reagan a son autoroute, Lincoln son mémorial, Washington sa ville, mais Bush aura peut-être le seul monument auquel la population pourra contribuer à partir de leur salle de bain. Les pétitions sont lancées et le vote sera en novembre afin d'offrir à ce président unique l'honneur qu'il mérite. Oh boy, yes. C'est-tu dans les égouts? De toute beauté. Non, c'est renommer les égouts en son nom. C'est ça va être les George W. Bush. Ouais. C'est ça. Le système d'égouts. Mais pourquoi tu parlais d'une patineuse? C'était-tu vrai, ça? Non, c'était pas vrai, non. C'était juste pour dire son nom. Ouais, c'était juste pour dire son nom. Elle était hot, en tout cas. Ouais. C'est quoi son nom, déjà? Je m'en rappelle plus. Christina Grenclavier. Je l'ai inventé dans ma tête. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Hey, c'est un bon. Hein? Sinon, on a Pascal. Hein? Ouais. Pascal, ouais. Tu nous racontais des aventures assez spéciales. Quand tantôt, on mangeait des cheeseburgers. Ben ouais. Savoureux cheeseburger. Ben ouais, quand on a essayé d'aller aux limites de la descente en mettant dans le même petit cup de la moutarde et du ketchup, chacun de leur côté pour manger nos pogos. Toi, extrême. Tu nous racontais que tu as déjà choisi sciemment d'aller faire des heures de prison à la place de payer les petits bills que la vie t'avait très, très, très décemment décédé. C'était quoi, t'avais... En fait, c'est pas très compliqué. T'as juste à pas les payer, puis à un moment donné, ils te pognent, puis ils t'envoient en prison, puis c'est ça. Puis en fait, tu payes pas tes tickets, là. Ça vient d'étiquette gratis. Ouais, si on veut. Puis en fait, tes tickets, t'es logé, nourri en plus. T'as un gymnase que t'as même pas besoin de payer. Puis on s'entend livres, aussi que. Une bibliothèque, c'est le gros luxe. Chris. Aïe, aïe, hein. Puis c'est quoi? C'est, mettons, à telle heure, il faut que tu ailles à ton dortoir. Puis. Non, en fait, tu restes dans ton aile toute la journée. Puis à 11h, je pense, il faut que tu rentres dans ta cellule. Puis après ça, ils ferment les lumières. OK. Mais ça dure généralement une grosse journée ou deux s'ils sont vraiment chiens, genre. Mais ils te font peur en disant qu'ils vont te rentrer pour une semaine, en fait. Ouais, ben en réalité, ils te disent, c'est soit tu payes tout de suite ou tu vas passer 8 jours en dedans. Ben là, tu dis, je paierai pas parce que t'as rarement, genre, 800-900$ dans tes poches de même en te promenant. Ouais. Ben surtout, c'était quoi? C'était pour payer des tickets de pouces? Ouais, de pouces ou encore de s'être assis sur un banc de parc après minuit ou encore... De boire dans la rue, je pense. Ouais, de boire dans la rue. Ce que je fais tout le temps. Ouais, ce que tout le monde a déjà fait, sauf que des fois, tu pognes le gars chien qui va te donner un ticket. Ouais, non, c'est ça, là, tout à fait. À toi, ça t'est arrivé assez souvent, si t'as eu besoin d'aller passer 8-9 jours en prison? Ouais, ben ça m'est arrivé en 3 fois, dans le fond. OK. Puis c'est ça, après 2 jours, que sur les 8 que c'était supposé, ils disaient, ben va-t'en, on a plus de place. Ouais, ben une journée et demie ou une journée. Fait que, puis en fait, à cause de Québec, le sommet des Amériques, t'avais déjà un dossier. Ouais, ben c'est ce qui m'aidait pas généralement, là, ou ce qui faisait. Ben c'est ça, mais vu que t'avais déjà un dossier, tu étais en crise, de... Ouais, ben de toute façon, ça avait pas de dossier, c'était au civil. C'est au civil. Ah, ça fait pas de tâche à ton dossier d'aller faire de la prison de même? Ah non, du tout. Ah, oublie ça, je payerai jamais un ticket de ma vie. Puis ça va faire de quoi raconter aux jeunes. Sauf que si c'est le message qu'il faut pas. Sauf que le problème, c'est qu'au municipal, ils ont passé une nouvelle loi, puis on peut pas le faire au municipal. Fait que là, ils t'envoient des huissiers qui payent. Qui se payent dans tes meubles. Ouais, c'est ça, qui se payent dans tes meubles ou tes guitares ou des trucs que t'as pas envie de leur laisser. Fait que, ah oui. Que t'es mieux de laisser à ton local. Ouais, c'est ça. On est en train de trouver tellement des grosses peurs dans le système. Ah non, mais c'est intéressant. OK, fait qu'au municipal, ça marche plus. Oh non. Shit. Ça, c'est un problème parce que ça m'est arrivé. Tu viens nous parler d'un petit truc qui marchait l'an passé, dans le fond. Ouais. À peu près, non, ouais, un an et demi, dans le fond. Ah, tabarnak de Chris. Hey, hey, hey, wow, les gros mots. Hein? Ah, on est coloré dans notre... Tabarnouche de crime. C'est ça. Hein? Ou tabaslac. Ou tabarnik aussi, ça c'est très appliqué. Ouais. Ben, merci beaucoup, merci. Pascal. Ben, oui, sûrement de poser des questions sur ton vécu, Pascal, qui est notre nouveau coloc. À la maison des amis. Ouais, il n'y a comme pas de nom, l'appart encore. C'est le premier de mes apparts qui n'a pas de nom. J'ai eu Cookie Land. C'est pas mal. Il va falloir travailler là-dessus. Ouais, ça va mener naturel, sinon ça viendra jamais. Ah non, mais c'est ça, comme je vous ai dit en commençant l'émission, j'ai amené ici. La liste de tous les films qu'on a dans l'encyclopédie avec le mot ninja dedans. Donc, juste à vert, s'il te plaît, il y en a combien? Oh, je sais pas. Une bonne page. Hein. J'ai même pas réussi à lire le corps tantôt. Ça me fait que je vais me permettre de lire ça ici avec ma belle voix de baryton. Là. Je vais même amener une trame sonore particulière à mettre en background. On va ici la faire glisser. Est-ce que c'est la trame sonore de Mortal Kombat? En fait, c'est la trame sonore de Bud Spencer et Terence Hill, père et impère, je pense. Là. Ah. Ah, ça va être parfait, ça. C'est très ninja. Ah oui, ben oui. Donc, Diamond Ninja Force, Ninja Warriors, l'Enfer des Ninjas, Ninja Boxing Force, Ninja Mission, l'Empire des Ninjas 1 à 3, sans passer par le 2, hein. Empire of the Spiritual Ninja, l'Emprise du Ninja 2, il n'y a pas de 1 de ça. Enter the Ninja, l'Implacable Ninja, Golden Ninja Warrior, Ninja 2. La Revanche, Ninja versus Shaolin Guards, Indian Ninja, Lethal Ninja, La Loi des Ninjas, Ninja, Ninja Turf, Mafia versus Ninja, Ninja contre la Mafia, Master Ninja 9, Death of the Ninja, Ninja Academy, Ninja 2. American Warrior, Ninja Assassin, le Ninja Attack, Ninja Champion, Flick ou Ninja, Ninja Commandments, Ninja Commando, Ninja Condor 13, un film de Ninja canado-hongkongais, celui-là c'est du moins neuf, ça va sûrement être le premier film anglais qu'on va mettre en visionnement à un moment donné, Ninja Condor 13 qui n'existe pas en français, Ninja Connection, Beverly Hills Ninja avec le gros, le Ninja de Beverly Hills, Ninja Death 3, il n'y a pas de 2 ni de 1, Ninja Demons Massacre, Ninja Dragon, Ninja Dragons, Ninja Extreme Weapon, Ninja Final Duel, Ninja Fury, Ninja Heat, Ninja Holocaust, Ninja Hunter, Ninja 3, La Domination, Ninja in the Deadly Trap, Ninja in the USA, Ninja Invasion, Ninja Kids, Ninja Kill, Ninja Killer, Ninja Mission, Ninja Opération 2. Night and Warrior, Ninja Opération 2. License to Terminate, qui est en nomination, en fait, Ninja permis à terminer pour la semaine prochaine face à Roger Normandin. Ninja Showdown, Ninja Skaboom, c'est pour vrai, S-K-E-B-O-O-M. Ninja Terminator, Ninja Thunderbolt, Ninja USA, Ninja versus Ninja, Ninja versus Bruce Lee, Ninja 2. Silent Assassin, Black Ninja, Ninja 2. The Protector, La Loi des Ninjas, Ninja 2. The Final Duel, Ninja 2. L'Affaire des Maîtres, Ninja 2. Les Maîtres du Pouvoir, Ninja 2. Silent Assassin, Ninja 2. The Battalion, Le Parrain des Ninjas, Phoenix des Ninjas, Pocket Ninja, Revenge of the Ninja, Secret Ninja, Silver Dragon Ninja, Super Ninja 2, Jeune Ninja 5, Cœur de Tigre, The Ultimate Ninja, White Ninja, Zombie versus Ninja, 3 Ninja 1, 3 Ninja 2, Kickback, 3 Ninja 3, Knuckle Up, 3 Ninja 4, I Know Not Mega Mountain, A Life of a Ninja, American Ninja 1, American Ninja 2, The Confrontation, American Ninja 3, Blood Hunt, American Ninja 4, The Annihilation, American Ninja 5, Bionic Ninja, Blazing Ninja, Bruce Lee versus The Ninja, Challenge of the Lady Ninja, China's Super Ninja 1 et l'excellent 2, Challenge of the Ninja, Challenge of the Ninja 2, City Ninja, Clash of the Ninja, Dead Code 2. Ninja et le défi du ninja. Ça, c'est sans compter les films de ninja qui n'ont pas ninja dans le titre. Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Puis les films de ninja qui sont pas sur la liste. Ah, ça, il doit en avoir de moins en moins, on espère. Aïe, ben, on va aller vous donner une petite pause, là. Je pense qu'on va écouter une bonne tune. Ça va être Eve of Destruction des Turtles, puis on va revenir avec du vrai contenu. C'est-à-dire, les Turtles Ninja. Ah, ben ça serait hâte, hein. C'est comme les Tortues Ninja, mais là c'est les Turtles seulement, c'est Eve of Destruction. Ah, c'est un groupe des Anglais, des années. C'est bon, ça. Je trouve. The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over. Ah, on revient, là. Hostie. Là, genre, j'avais un ils sont malades. Là, on est live. Là, j'ai dit, on est live, là. Puis l'autre finit son anecdote, man. On parlait encore de Toad. Il était dedans. Ah non, mais c'est quoi qu'on fait, là? On va, se saucer bien comme il faut dans le dernier olé graisseux à souhait, comme tous les produits de beauté très pertinents dont on voit les pubs à chaque jour à Télétoon et à Musique Plus. C'est vrai qu'ils mettent des pubs de produits de beauté à Télétoon. C'est quoi le lien? Ça, c'est parce que souvent, c'est pendant les émissions qui passent plus tard le soir, comme les Simpsons, dont le public cible est souvent plus vieux, dont les jeunes filles qui aiment ça avoir une belle peau. Ouais, puis qui veulent écouter les Simpsons pour pouvoir comprendre les jokes que les garçons font le lendemain à l'école. Ah, tu vois, c'est peut-être une belle dynamique. Ah, ben sinon, puis moi aussi, je me demandais cette semaine, là, ça m'est arrivé encore de téléphoner chez Domino Pizza, parce que chez nous, on a des pamphlets de Domino Pizza qui nous sont livrés à la maison. Puis là, ils nous vendent tout le temps le nouveau combo de la pizza, puis qu'à la livraison, ça coûte moins cher. Là, ben j'appelle pour me faire livrer, parce que je me fais avoir. Puis là, ben. Ils disent, on livre pas chez vous. Fait que là, tu reçois le flyer chez vous. Là, je lui dis, ben, excusez, c'est que j'ai le flyer. Puis là, ben, il dit, ah non, mais vous êtes au centre-ville, on livre pas chez vous. I'll do you one better. Moi, j'en avais un dans ma chambre d'hôtel à un moment donné. Puis il livrait pas dans mon hôtel. Ah, c'est pas pire. Ouais. C'est pas pire. Fait qu'imaginez tous les beaux arbres gaspillés. Puis en plus, c'est pas écrit pas de publicité chez vous. Ouais, ouais, mais. Faut quelqu'un qui arrive. Je sais pas, il y a non seulement d'écrit, puis on a le petit symbole officiel, parce que ceux qui savent pas, l'écrire sur une pancarte, ça change rien, parce que souvent c'est du monde qui parle pas français, la défaite de ceux qui payent le monde. Là. Fait qu'il faut mettre le petit symbole, ils donnent ça aux éco-quartiers, là, ou n'importe quel, là, en tout cas. Magasiner un peu, ça vaut à peine, hein, parce que, comme ça, pas mal moins de publicsacs à trier, là, pour avoir les nouveaux spéciales sur les produits indispensables. Sinon, ben, on va parler un petit peu du film, Flic ou Ninja, alias Ninja Champion. Vous allez être surpris. L'histoire est totalement impossible à suivre. Du haut de mes centaines de scénarios épais, de mes milliers d'heures de douteux, de toutes ces questions que j'ai pu me poser en écoutant du douteux, le constat final reste douteureusement le même. Je comprends rien de nada de nothing à Flic ou Ninja. Même après avoir écouté deux fois le speech exhaustif qu'on va avoir vers la fin et infernal de Maurice, le boss des méchants ninjas, qui est joué d'ailleurs par Pierre Tremblay, qui est un Québécois spécialiste en arts martiaux qui s'est exilé à Hong Kong en 1979 pour faire des films discutables. Hein? Il y a un petit peu de notre terroir à nous autres là-bas, c'est beau. Le gars, il est documenté, tu sais. Ben oui. Mais non, rien à faire. Le speech de la fin, ça ressemble un petit peu à Maurice a manipulé Gaston pour qu'il convainc Raoul, Gaétan et Ronald à violer Rose, la blonde de Georges. Envoyé spécial d'Interpol chargé d'aider Donald dans sa quête de Reynald, le trafiquant de diamants. Ça, c'est comme la première phrase d'un speech de 4-5 minutes. Fait que tu viens que non, ça marche plus. Là, puis en fait, ben, ça m'amène à parler d'une autre stratégie cinématographique de Olé pour prendre le public pour des caves. Souvent, et quand je dis souvent, c'est juste pour pas dire presque tout le temps, Joseph Fly se retrouvait avec des scénarios trop pauvres pour faire une heure et demie de film. Croulant sous les scénarios pauvres, il décida, sans aucun égard pour le bon goût ou quelconque trace de respect pour son public, de malaxer ensemble deux scénarios trop pauvres de 45 minutes pour en faire un de 90 minutes. Qui devient plus trop pauvre, je sais pas, là, il y a de la magie. Donc, si vous trouvez que des raccords sont tout croches, que des personnages qui parlent au téléphone n'ont pas l'air de se parler l'un l'autre, ou qu'un personnage vous est catapulté sans grand renfort de background ou de justification, ah ben sans oublier les ellipses temporelles ou l'action montée tout croche qui donne envie de s'en aller, ben c'est tout à fait normal, car c'est Olé. Donc, on va s'y sursaucer dans l'action. On va aller voir. C'est que là, Rose a croulé sous la passion du chef de boxe, du champion de boxe national. On est à 11 minutes 40, là, juste de l'autre côté de la conversation au téléphone entre Donald et Gordon. Ne sois pas si fou. Je vais me tendre et plein de prévenances. Tu verras que tu ne seras pas déçu. Tu vas jouir comme jamais. Tabarnak. Mmh. J'ai dû déjà faire l'amour avec des dizaines et des dizaines de femmes. Je ne leur ai pas fait l'amour, je les ai baisés, c'est différent. Vraiment? Oui, je t'assure. Alors je voudrais savoir en quoi c'est différent. D'accord. Elle couche déjà avec son ancien violeur. Ouais. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que... Ben, en fait, là, elle fait une stratégie qui est vraiment bizarre, c'est qu'elle empoisonne ses seins. Hein? C'est intéressant. Quand même. Le vin! Je crois qu'il y avait quelque chose dedans. Je suis content de te l'avoir demandé, parce que sinon, on n'aurait rien compris. Ce n'est pas le vin. Ce sont mes seins, espèce de pauvre imbécile. C'est ça. Ah, tu vois, elle vient de l'expliquer. C'est ça. On veut utiliser Toton? Pourquoi tu m'as fait ça? Ben oui, c'est du Godfrey Joseph Lai. Ouais. Il y a 2 mois de ça, tu étais avec 2 autres salauds et vous avez violé une fille. Tu t'en rappelles certainement. Ça fait... Attends, ça fait 2 mois. Quoi? C'est vrai? Hélas, oui. Vous étiez tous déguisés. Par conséquent, vous aviez préparé votre coup. Dis-moi si j'ai raison. Oui. J'avais reçu des ordres. Je n'ai fait qu'obéir. Ah, je veux savoir à qui et pourquoi. Hein? Ronald. Ronald, c'est la faute. Depuis quand le viol est un crime organisé? Ce fils de chien m'a également violé. À présent, dis-moi qui est le troisième. Gaëtan. Je vois que tu refuses de coopérer. Dans ce cas, je vais avoir recours à la manière forte. Et voilà, elle va le fouetter pour y apprendre. Il est bien en train de s'empoisonner, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, il est-tu en train de mourir, là? Ben, il est comme, je sais pas, ralenti, numb un peu à cause du poison pendant que l'héroïne le fouette. Ah, OK. Pendant que toute cette rage. La tornade de passion ici. Le besoin de vengeance. Hein? Tellement de douleur. Donne-moi l'antidote. Je t'en supplie, pitié. Ah, ben non, on s'en fout. Ça va mal finir ça. Et voilà, elle l'amène dans le bain pour ensuite le noyer. La séquence d'après commence sur la télévision. Puis là, il y a un lecteur de nouvelles qui dit « Le champion de boxe national a hier été retrouvé décédé, noyé dans sa baignoire dans l'hôtel de blablabla. » J'imagine pour être sûr qu'on avait compris, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que ça fait un lien qui est très logique. Donc, on va aller un petit peu plus loin à 15 minutes 40. J'ai encore une bonne dose d'extrait. C'est Georges va rencontrer Donald, là. C'est que George, on l'a pas encore vu, mais c'est comme l'ancien chum de Rose qui l'a quitté quand elle s'est fait violer parce qu'il voulait pas se marier. George, je comprends très bien tout ce que tu peux ressentir. C'est ça, il parle à Donald, le gars d'Interpol. Tu as épousé une femme qui te laisse totalement indifférent. Et tout ça parce que tu n'as pas accepté le corps de Rose après qu'elle ait été violée. C'est et maintenant, tu découvres que t'es toujours amoureux fou d'elle. Je n'aurais jamais dû l'abandonner, mais à présent, c'est beaucoup trop tard. C'est faux. Ce n'est jamais trop tard, Georges. Nous n'avons pas perdu sa trace. En ce moment, elle fait du trafic de diamants pour Robert. Elle pense ainsi pouvoir retrouver la trace de ses 3 enfoirés. Le boxeur qu'on a retrouvé hier soir avait été castré. Et je pense que c'était son œuvre. J'ai demandé à Gordon de vérifier l'identité des 3 violeurs de Rose. Or, le boxeur était dans le coup. On vient également d'apprendre ceci. Les 2 autres hommes seraient les types que nous recherchons. Ouais, j'ai compris. Je vais retrouver ces 2 enfoirés et je leur ferai sauter la cervelle. Je veux que tu gardes ton calme, Georges. La première des choses à faire, c'est d'essayer de retrouver Rose. Parce que si la police la trouve, tu sais ce qu'il attend. Tu connais le sort qui lui sera réservé. La chaise électrique. Attends. Ouais, je sais. Elle a tué ce salaud qui l'a martyrisé. Elle a eu raison de faire justice elle-même. De toute façon, ils ont dit qu'il manquait de preuves. Moi, si j'arrive à mettre la main sur ces salauds, je les tuerai de mes propres mains. Je me contrefous de ce que dit la loi. Oui, mais toi, c'est différent. Tu es un agent Interpol, tu as une licence qui te permet de tuer, pas elle. Il avait et oublié. C'est pourquoi je te répète qu'il faut absolument que tu la retrouves, afin de vous organiser tous les deux pour les tuer. Ainsi, tu pourras assumer l'entière responsabilité de vos actes. Et par ailleurs, ces deux fils de pute sont bien trop dangereux pour qu'elle arrive à s'en sortir seule. Il y a encore une chose qui me laisse perplexe. Ouais, moi aussi. Comment peut-elle être sûre que ces deux types sont ceux qui l'ont violée s'ils étaient déguisés? Non, ce doit être de l'intuition féminine. Et puis on efface pas. J'ai bien entendu. Suffisamment intelligente pour mémoriser des détails concernant au moins l'un d'eux. Elle doit être menstruée. Elle n'a jamais voulu m'en parler. Et je suis persuadé qu'elle a gardé le secret pour se venger toute seule. Ça, c'était son caractère. Admettons, de toute façon, ça la regarde. En ce qui me concerne, je suis sur une autre mission. Et il est possible qu'il y ait un lien entre le viol et ce dont je m'occupe. Aussi, je ne pourrais vous apporter qu'une aide indirecte. Je le regrette pourtant. Il est en train de nous dire qu'il y a deux films déjà de mélangeurs. Tâche d'avoir l'œil sur Larry. Quelque chose me dit que ton beau-père n'est sûrement pas étranger à tous ces événements. Check bien Larry, man. Je suivrai tes conseils. Je sais ce qu'il me reste à faire. Allez voir Larry. Donc c'était la fin de l'autre séquence ici. Il en reste encore quelques-unes là, mais ça va être de l'autre côté de. Ah, je pense qu'on va écouter Luc de la Rochelière et Cash City. Je l'aime, moi, ce tune-là. Puis la dernière qu'on a entendue était spéciale. Ouais. Elle était très, très spéciale. Donc on va écouter Luc de la Rochelière, Cash City, puis on vous revient pour la fin de l'émission, hein? Yes. Ça va. Hey. Le dossier sur le squelette à Bruno, j'ai le goût de l'entendre. Ben oui, c'est sûr qu'on va l'avoir juste après. Ouais. Spider pig, spider pig, does whatever a spider pig does. Can he swing from a web? No, he can't. He's a pig. Look out, he is a spider pig. Amenez-moi mon ninja noir ou je fais un malheur! Tu sais, on prend parfois les gens trop au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on est horrible avec les gens de temps en temps qu'on ne peut pas s'amuser. Tu ne crois pas? Qu'est-ce que je dis là? Je dis, vous écoutez. Laisse parler ton cœur. Oui, ouais. Même, rappelez-moi le titre de l'émission. 70%. Ouais. Ben, c'est bon de même. Non, mais c'est plus moi de le demander avant. Ben oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70%, ici Philippe Schnob. Non, c'est pas bon, ça. Bon, on peut le reprendre. On peut le reprendre, hein. Mais on va garder celui-là, mais on peut faire à croire. Que, OK. Ben, ici Philippe Schnapp, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et sachant qu'on peut le réécouter et écouter aussi sur Internet, ben, ça me fera plaisir d'aller jeter une oreille à l'occasion. Wow, hein? Yes. On a eu des stars de l'information comme Jean Perron et Philippe Schnapp à l'émission. Philippe Schnapp, il travaille pour Radio-Canada, mais il a accepté de se déplacer pour venir nous voir en studio, tandis que Jean Perron était beaucoup trop débordé. Ouais. Et puis, ben, il a accepté qu'on lui parle au téléphone. De sport? De sport. De sport. En tout cas. De toutes sortes d'affaires, mais il était coach de l'équipe nationale israélienne là-bas, lui. Oh. Pendant un temps. Jean Perron? Ouais, je sais pas, il avait de l'affinité avec le monde là-bas, là. Eh ben, ouais. Toi, il engage juste les meilleurs. Ben, les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs même. Des meilleurs. Toi, tu parlais squelette, je pense. Ouais, je parlais squelette. Ça va être ma chronique Soyons démagogues cette semaine. On va traiter du squelette. Alors, s'il y a quelque chose de surévalué, moi, je trouve que c'est bien le squelette. En fait, c'est juste un gros paquet d'os regroupé de façon stratégique pour la fonctionnalité du corps. C'est juste des minéraux collés ensemble qui forment un moyen de tenir les muscles, la peau, les organes. Son utilité est même pas si prouvée que ça, il me semble. Il y a des gens au Gabon qui volent des crânes humains pour la revente aux guérisseurs. Il y a du monde qui pense que la poudre d'os, c'est de l'engrais. Puis le caca, tant qu'à faire. Nitroacide. Selon cette réflexion, le squelette n'est donc pas plus utile que le caca. Les mollusques ont pas de squelette. Les crustacés ont leur squelette à l'extérieur. Puis c'est pas mieux non plus, je suppose. Les végétaux en ont même pas. Il y a plein d'animaux sur Terre qui ont pas de squelette puis qui s'en rendent même pas compte, comme il y en a qui en ont puis qui s'en rendent pas compte non plus. Ça vous fait pas réaliser quelque chose de crucial, ça? Le fait d'avoir ou de ne pas avoir un squelette est une condition existante. Combien y a-t-il de squelettes sur Terre comparativement à pas de squelettes? Inventons un chiffre. 25 cabouzamiliens. Bon. Si ça vous convainc pas, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il va le faire. Savez-vous vraiment si votre vie serait pas mieux sans squelette? Comment peut-on le prouver? Si personne avait de squelette, personne saurait que c'est mieux d'avoir un squelette ou que c'est pas mieux d'avoir un squelette. Puis je serais même pas en train de lire cet exposé-là sur le squelette. Non. Peut-être qu'on serait plus heureux sans squelette. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, il y aurait pas mal moins de problèmes de char, parce que tu pourrais pas conduire ton char vu que t'as pas de squelette. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faudrait essayer. Ouais. Faudrait essayer. Moins en tout cas, on pourrait pas écouter la toune de Déjà Vu, squelette. Dont les paroles sont les suivantes. Ce que t'as devant toi, c'est pas juste 2-3 squelettes. Ce que t'as devant toi, c'est l'armée au complet. Une chance que j'ai mon amulette anti-squelette, anti-squelette. Ça a l'air pas mal ouais. Profond, ça. C'est profond. C'est un petit peu comme Donald face à George et Rose dans Flic ou Ninja. La grande poésie. Je pense qu'on va retourner là pour le petit dernier bout. Hein. Ça, merci beaucoup, Bruno, pour ça le squelette. Plaisir. Parfait, ça. C'est construit, c'est blindé. C'est vrai, je veux dire, il faut essayer pour savoir. Ah ouais. Ah ouais. Si, mettons, on pourrait respirer du méthane, peut-être notre vie serait plus cool. Peut-être qu'on serait plus heureux. Ah ouais. Ah ouais. Donc, Flic ou Ninja, c'est du moins 6. Note honorable, mais dans les moins basses proposées pour ici ou au brouhaha. Ça s'explique surtout parce que les séquences d'action sont très diluées. C'est plutôt dans les dialogues que se trouvent les questionnements. Laissez-vous bercer au son des vengeance-ci, vengeance-ça, ninja-ci, ninja-là. Car ce soir, vous êtes en face d'un O-Light de 1985. Pas celui qui a la moins bonne note, la meilleure moins bonne note, mais possiblement celui qui remporte la palme des dialogues sans queue ni tête. Et, dans la poursuite de la variété que l'on promeut à douteux.org, c'est important d'écouter, après un post-apocalyptique italien à l'esthétique divergent, un film tourné il y a 25 ans dans une concession anglaise située de l'autre côté de la planète. Long-métrage qui s'avère un mélange de deux moyens-métrages qui n'ont aucun lien ensemble, sinon le mot vengeance. Et puis, on se doit d'écouter méthodiquement ce long-métrage dans lequel l'acteur le plus reconnu n'est pas au courant d'avoir joué dedans et dans lequel le dernier boss est un acteur québécois possédé par le cabotinage et le saut de fluo mandatoire. Un long-métrage, donc, aussi loin d'être unique qu'il est unique. Ce soir, dites-vous que c'est une petite pause dans l'action et gardez l'esprit ouvert. Dites-vous que si cette semaine, on vous a proposé de choisir entre du moins 5, moins 6, la semaine prochaine, on frôle la tâche collante qui se trouve immanquablement dans le fond de la poubelle après qu'on ait enlevé le sac débordant d'immondices. Vous allez pouvoir choisir entre un haut l'ail débordant d'action, Ninja permis à terminer, moins 8.5, je vois pas en haut de ça, ou un film québécois, mesdames et messieurs, le plus long de tous les longs-métrages, Roger Normandin dans La quatrième dimension. qui est une note flottante, là, c'est quelque chose d'autre, ce film-là. Là. Donc, on va écouter ici les petites dernières séquences de Flic ou Ninja, parce que là, ce qui manque à date, c'est des ninjas. Là. Il y a la cause de vengeance personnelle de Rose, mais il nous manque des ninjas. Et voilà. Nous commençons à nous ennuyer, maître. Quand allons-nous agir? Ne vous impatientez pas. J'ai dû annuler le plan qui était prévu en raison de certaines circonstances. Que s'est-il donc passé? Nos cibles étaient déterminées. Il s'agissait de Robert et de Larry. Avez-vous changé d'avis? Oh, je n'ai jamais dit ça. Je sais que vous êtes excellent ninja. Vos capacités sont considérables. Mais en ce moment, une femme fait ce travail à votre place. Nous n'avons qu'à attendre et observer. Je n'ai pas encore entendu parler de cette femme. Qui est-elle? Ce n'est pas une professionnelle. Elle cherche à tuer ces types uniquement parce qu'ils l'ont violée. Alors on n'est plus utile à rien. Donnez-nous une autre mission, maître. C'est hors de question. Continuez à vous entraîner et ne revenez pas ici avant que je ne vous appelle. Encore une chose. Je veux que vous ayez l'œil sur cet individu. Qui est-il? D'après mon service d'information, c'est un agent Interpol qui s'appelle Donald. Il nous arrive des États-Unis et il risque de nous... Non, c'est Donald. Faites très attention à lui. Ouais, faites J'espère attention que à c'est Donald. Moi qui vais le dénicher. Ça manque à mon palmarès. Un agent Interpol. Tâche de ne pas le manquer. Ce sera tout, vous pouvez disposer. Vous pouvez prendre des bouts et faire... Et voilà. Donc, on a rencontré les ninjas, puis il y a ici une petite séquence, c'est que Rose, elle continue sa vendetta bien, bien personnelle, et puis là, ben, elle se fait prendre en sandwich. Je veux qu'on écoute ça, si vous allez voir. Fais ta prière. Couteau sous la gorge. Une minute. Si ça peut te faire plaisir. Ça ne te coûtera rien. Je veux me maquiller une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux faire, te maquiller? What? Ne suis-je pas une femme? Et à ce titre, je dois me préoccuper de mon esthétique jusqu'à mon dernier sou. Alors fais vite. Et tâche de ne pas trop t'arranger, sinon je ne résisterai pas à l'envie de te violer une nouvelle fois. Facile, là, et puis donc, bien sûr, la fille va s'en sortir en prenant une espèce de stuff magique là, dans sa sacoche. Je pense qu'on est pas mal rendu à la fin de l'émission. Il va falloir quitter vite pour Trash Ton Geek qui s'en vienne juste après. On dit merci aux amis. Merci les amis. Salut, bonjour, on se voit pour on s'en va là écouter des affaires un petit peu divergentes. J'ai plein de belles surprises, plein de nouveaux extraits. Allez au douteux.org, merci Pascal, Bruno, Magique. Israël. Toujours là. Toujours. All right. Bon, ben, on va vous laisser avec le speech de la fin là, du Ninja Maurice. Là. Vous allez voir, c'est blindé. Voilà. À la prochaine, à 30%. Pourquoi est-ce que tu essaies de me tuer? Pourquoi est-ce que tes hommes me suivent tout le temps? Ça va faire des années que je suis hors du coup. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser vivre en paix. Arrête de me jouer du pipeau, t'as réintégré le milieu. Seulement cette fois, tu es resté derrière la scène pour tirer les ficelles. Quand t'as découvert que Robert devenait dangereux pour toi parce qu'il en voulait trop, tu as fait en sorte de l'éliminer, en essayant de mettre à sa place Larry. Ah, tu es bien renseigné. Et qu'est-ce que tu as trouvé par ailleurs, hein, dis donc? Il te fallait trouver une bonne raison pour évincer Robert, sinon les autres n'auraient plus eu confiance en toi. C'est alors que tu as fait recruter 3 gars par Larry pour qu'ils achètent les diams de Robert. Ainsi, tu pouvais l'éliminer pour trahison. Et ensuite? Manque de chance, il y a une chose que tu n'avais pas prévue et c'est la soudaine apparition de Rose. Elle a déjoué tous tes plans. Tu n'es pas aussi futé que je le croyais. Rose n'a pas du tout démoli mes plans, elle les a favorisés. Et si j'en crois certains faits, tes agents aussi les ont aidés. Non, je vais t'expliquer l'ingéniosité de ce plan. En premier lieu, je voulais que Larry remplace Robert. Mais cet imbécile ne pensait qu'à sa cote de fille. C'est pourquoi je lui ai proposé d'envoyer ses hommes pour violer Rose, dans l'espoir que George, un de tes agents d'Interpol, se déciderait à épouser Jenny. Elle pouvait ainsi espionner pour moi et me tenir informé de tous les agissements d'Interpol. Mais ensuite, Rose est réapparue pour se venger. Et c'est alors que s'est présenté un plan encore plus astucieux. C'est donc toi le grand responsable de tout ça. Garde ton calme, je n'ai pas tout à fait fini. À ce moment-là, Rose a commencé sa tuerie. Et c'est alors que j'ai pensé... pourquoi ne pas tout cumuler? Je me débarrassais ainsi de tout le gang en même temps. Et je recommençais une nouvelle vie. Ce fut un succès. Rose et Georges m'ont débarrassé de Larry et de Robert. Pendant que toi, sans attendre, tu as fait disparaître mes trois gros lards. Tu n'es qu'une ordure et un enfoiré de première. Oui, mais quand tu auras disparu, il n'y aura plus personne qui connaîtra mon secret et je pourrai recommencer autant de fois que je le veux. FM présente Lueur dans l'œil, défilé de mode au profit d'opérations.